En Corée du Sud, le comité de promotion de la Grande Marche des Citadins en faveur de la démission de Park Geun-hye du 12 novembre a accordé le premier courant une conférence de presse sur la place de Gwanghwamun en face de la Maison Bleue pour lancer un ultimatum à Park Geun-hye, apprend-on des informations. Dans l'ultimatum, ce comité constitué de 29 formations de lutte pan-nationale sud-coréenne a exigé de Park Geun-hye, source de l'actuelle situation, de démissionner volontiers jusqu'à midi du 12 novembre prochain et du parti gouvernemental de ne pas tarder à se dissoudre de sa propre initiative. Il a appelé à sonner à midi du 12 novembre comme une action pan-nationale en priant pour la démocratie dans tous les coins sud-coréens, y compris les églises, cathédrales et temples, pour ainsi montrer la volonté du peuple demandant vertement la retraite de Park Geun-hye. D'autre part, une cinquantaine d'organisations, y compris la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et la Fédération générale nationale des associations paysannes, ont tenu une conférence de presse le premier courant sur la place de Cheonggyecheon à Séoul avant de faire la grève sur le tas. Déclarons qu'à partir de ce jour-là, aura lieu tous les jours la marche à la bougie à Séoul et ailleurs en faveur de la retraite de Park Geun-hye. Ces formations ont appelé les Sud-Coréens de tous les paliers à s'engager dans la lutte générale du 12 novembre pour donner sérieusement à Park Geun-hye l'ordre de retraite au nom du peuple.